éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice, paix et pardon par la foi. Je reçois de lui la vie, qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie.